Cours numéro 50. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر الحث على لزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات. Le cinquantième et dernier chapitre sur الموت, sur la mort. La mort, الموت, c'est la dernière étape de la vie de l'être humain sur terre. وبعد الموت, après la mort, ينتقل إلى القبر, إلى البرزخ, dans une autre demeure. Vu que c'est la dernière étape concernant ce bas monde, Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, il a conclu son livre avec al-maut, la mort. قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Chaque âme goûtera à la mort. Chaque être humain mourra. ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et tous les êtres humains, ils seront ressuscités et retourneront عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى pour rendre des comptes. وقال جل وعلا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى فمن حتم عليه القدر أن يموت مات ولو بغير السبب. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété que l'heure de cet être humain, son heure allait arriver, et Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété qu'il doit mourir à ce moment précis, il mourra ولو بغير السبب, même s'il n'y a aucune cause, même s'il n'est pas vieux, même s'il n'est pas malade, même s'il n'a pas fait d'accident, il peut être chez lui et il meurt. Il dort et il ne se réveille plus. Il sort et il ne rentre jamais chez lui. قال رحمه الله ومن أراد بقاءه فلو أتى بالأسباب أو بكل الأسباب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété que cet être humain, son heure elle n'est pas encore venue. Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété que cet être humain il ne mourra pas ce jour-ci. Même si toutes les causes elles sont réunies pour faire du mal à cet être humain, il ne mourra pas tant que l'ajal il n'est pas arrivé. Et chaque être humain, il a un kitab, il a une heure bien précise, un moment déterminé. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrété et à ce moment, il mourra. Qala رحمه الله وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هكذا قال عز وجل. إذا جاء أجلهم, quand le أجل il arrive, l'أجل c'est la fin de la durée de vie de cet être humain. Quand sa durée de vie elle est terminée, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. Personne ne peut retarder cette échéance d'une heure ou l'avancée d'une heure. فهذا الباب, c'est un باب عظيم. Et الموت, la mort, c'est un des plus grands rappels pour l'être humain. فلهذا ابن حبان il a cité هذا الباب هنا. C'est une énorme موعظة pour nous. Et تأمل هذا الحديث qu'il a cité رحمة الله عليه. قال أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي قال حدثنا يحيى بن أكتم ومحمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. الحديث أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه إدوتر. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il a hassan fi al-irwa, irwa al-ghalil. Akthiru min dhikri hadhim al-ladhat. Et rappelez-vous souvent de hadhim al-ladhat. Hadhim ay qati', ce qui coupe. Rappelez-vous cette chose qui va couper, qui va stopper, qui va interrompre al-ladhat. Al-ladhat, c'est le pluriel de ladha. Et le fait de prendre du plaisir. Comme minan nas, Ils sont fi raha, ils sont avec leurs enfants, ils sont en bonne santé, ils ont des projets pour avoir plus d'argent, etc. Et Al-Maut, l'ange de la mort, il arrive et reprend l'âme de cet être humain. Et cet être humain, il bascule dans l'autre monde. Celui qui se rappelle souvent de Hadha Al-Maut, ça sera très très bénéfique pour lui. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a un kalam jamil dans Sharh Riyad al-Salihin, عند هذا الحديث, قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت. هاذم يعني قاطع. قاطع, quelque chose qui coupe, quelque chose qui va interrompre ce que cet être humain il vit. قال يعني اكثروا ذكر الموت ذكر هاذم اللذات الذي يقطع اللذات ويحول العبد من هذه الدار إلى دار أخرى وهي الجنة أو النار. On doit se rappeler de ce moment. Ce moment, c'est un moment crucial, très très important pour l'être humain. Lienna, هذا الموت, cette mort, c'est ce qui va te faire basculer dans l'autre monde, dans l'au-delà, dans ta tombe. وإذا مات الإنسان قامت قيامته. Quand l'être humain il meurt, et pour lui, le jugement il commence dans sa tombe et toutes les étapes, etc., jusqu'à la résurrection. Un groupe ils seront en enfer et un autre groupe ils seront au paradis. Ces deux groupes qui resteront éternellement. Il y en a certains croyants qui seront en enfer, ils sortiront. Les habitants de ces deux demeures qui resteront éternellement, un groupe éternellement au paradis, l'autre groupe éternellement en enfer. قال فينبغي ذكره فيكون على البال حتى لا يفرط الإنسان حتى لا يغفل. Et c'est pour ça que ce rappel il est très très important. Ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه كان يقول كفى بالموت واعظا. Ce rappel, il suffit pour l'être humain. كف بالموت واعظا. الوعظ, c'est le rappel. فكف بالموت, la mort, elle suffit. Elle suffit pour nous sortir de cette rafla, cette insouciance. كم من الناس, ils ne font pas d'efforts dans leur dîn, dans l'apprentissage de leur religion, dans la mise en pratique, le fait de s'écarter du haram. لماذا لأنهم, ils sont في rafla. Ils ont oublié. Ils ont oublié ce moment. Mais tous les êtres humains, ils savent sans exception qu'ils mourront. Lakin, بعض الناس يعيشون, ils vivent كأن la mort, elle ne peut pas arriver tout de suite. Et ça les pousse fil rafla. Le shaitan, il les combat par deux moyens. Avec cette rafla, طول الأمل, le fait de penser qu'on va vivre longtemps. Et كذلك, كما تقدم معنا il y a quelques jours, en pensant que Allah il va forcément leur pardonner. Avec ces deux points, robama l'insan, il reste fil ghafla, il tombe fil ghafla dans l'insouciance et il ne fait pas d'effort. قال حتى لا يضيع امر الله عز وجل او حتى لا يضيع امر الله عز وجل من تذكر الموت من تذكر الموت اعد له. كلام جميل. Celui qui se rappelle de la mort, il se prépare. Tu trouves بعض الناس dans ce bas monde, ils ont des rendez-vous importants, des moments décisifs dans leur vie. Et là, chacun a ce rendez-vous, ce voyage, cette chose, elle demande une préparation. Enfin, ils se préparent. Les madal, il y en a cette chose, elle est importante. Enfin, on doit tous se préparer pour هذا الموت. قال رحمه الله حتى لا يضيع أمر الله عز وجل من تذكر الموت أعد له. Celui qui se rappelle de la mort, il se prépare. قال ومن غفل عنه قد يتساهل فيقع فيما حرم الله ويتساهل في ترك ما أوجب الله عز وجل. Celui par contre qui tombe dans l'insouciance et il pense qu'à cette dunya, il oublie la mort. Son cœur il va durcir et ça va le pousser à faire du haram. كذلك ça va le pousser à délaisser certaines obligations. قال الشيخ رحمه الله فيهلك بذلك. Ça pourra et ça peut causer sa perte à cet être humain. قال رحمه الله أو تصيبه بسبب ذلك عقوبات شديدة إما عاجلا وإما آجلا. Et كذلك cette insouciance qui le pousse à faire du haram et à ne pas mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné, ça peut être la cause d'un châtiment, ici-bas ou dans l'au-delà. قال الشيخ رحمه الله نسأل الله للجميع العافية والهداية. أكثر ذكر هذه الملذات الموت. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé, nous a conseillé, nous a ordonné de nous rappeler souvent de la mort. Mais celui qui tombe dans al-ghafla, celui qui tombe dans l'insouciance, c'est une musib, comme on vient de voir. Ibn Kathir, كذلك il a un kalam jamil dans son tafsir. قال رحمه الله عند قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la situation de l'être humain « عند الموت » quand il mourra, et « كذلك » après la mort. « قال عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. » قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق أي كشفت لك عن اليقين أي un jour viendra où la mort, elle arrivera avec certitude. فَكَشَفَتْ لَكَ عَنِ الْيَقِينَ الَّذِي كُنْتَ تَمْتَرِي فِيهِ. Beaucoup de gens, et c'est ça qui est étonnant, dans ce point, tous les êtres humains, ils savent qu'ils mourront. مَعَ هَذَا, ils se comportent, et ils ont un mode de vie, كَأَنَّهُمْ, ils ne vont jamais mourir. لِأَنَّا, tu as deux situations, tu as deux cas. إِمَّا, tu crois en tout ce qui arrivera après la mort, les étapes de l'au-delà, la tombe, etc., jusqu'à la dernière demeure, le paradis ou l'enfer. C'est le cas du croyant. Donc le croyant, vu qu'il a cette croyance, il doit se préparer. Et Madaliano, il a la certitude que ça arrivera. Et moi, tu as le cas du kafir, qui pense qu'après la mort, il n'y a rien et ça s'arrête. Et hada, yadam billah, il vivra comme un animal. La situation des kafirs, des fajr. En tant que mu'minoun, ce iman, on doit l'entretenir avec dhikra, en se rappelant de la mort, en étudiant notre din. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله عز وجل ذلك ما كنت منه تحيد أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك. أي cette chose que tu détestais, أي la mort, cette mort dont tu avais peur, cette mort tu faisais tout pour t'en écarter, te sauver, elle viendra et elle arrive. ذلك ما كنت منه تحيد. La plupart des êtres humains, l'immense majorité des êtres humains, ils n'aiment pas la mort. Ils pourraient s'en échapper, ils s'en échapperaient. لكن cette mort elle arrivera. قال اي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك. Et cette chose que tu évitais, elle est arrivée. فلا محيد ولا مناص. Et c'est la situation de tous les êtres humains. انه لا شك ça arrivera. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera une prochaine fois. Lakin, ça arrivera. قال ولا فكاك ولا خلاص. ولا فكاك ولا خلاص. Et personne ne pourra en échapper. Donc, Akhil Karim, on doit préparer هذا اليوم. On doit se préparer à ce moment qui arrivera. ولا بد. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يضم الواجب على العاقل أن يضم إلى رعاية ما ذكرنا من شعب العقل في كتابنا هذا لزوم ذكر الموت على الأوقات كلها والترك الاغترار بالدنيا في الأسباب كلها. Et ça, c'est un point essentiel pour le mu'min. Un mu'min qui se rappelle souvent de la mort, il sera à la khair. Il fera beaucoup d'efforts dans son dit. Et كذلك, ce mu'min qui se rappelle souvent de la mort, il ne sera pas leurré par ce bas monde. قال إذ الموت رحا دوارة بين الخلق وكأس يدار بها عليهم لا بد لكل ذي روح أن يشربها ويذوق طعمها. Il a comparé la mort à un aliment ou à une boisson. Chaque être humain y goûtera. فلهذا قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. Vous avez remarqué que Allah il a employé ce mot dha'iqa, le fait de goûter. Donc la mort, c'est comme un aliment, c'est comme une boisson. Tout le monde goûtera. Wala bud. C'est une histoire de temps. C'est ça qu'on ignore. Quand? Amma, que ça arrivera, il n'y a aucun doute. Qala wa huwa hadhimul ladhat wa munarris ash-shahawat wa mukaddir al-awqat wa muzil al-ahat. هذا الموت, c'est ce qui va interrompre tous les plaisirs que l'insan y prend dans ce bas monde. هذا الموت, ça va être al-fasl, ça va être le point de départ d'une nouvelle vie dans la tombe. Munarris ash-shahawat, comme min an-nas, il court et il se précipite pour acquérir plus de richesses, pour prendre du plaisir dans le haram, il a akhiri, al-maut, elle va casser, couper, interrompre tout cela. Qala wa laqad anshadani Abdul Aziz ibn Sulayman al-Awrash rahimahullah ya hadhi min ladhat ma minka mahrabu ya hadhi min ladhat ma minka mahrabu tuhadiru nafsi minka ma sayusibuha. يا هذه من اللذات ما منك مهرب هذه اللذات سلام اي on ne peut pas s'échapper de la mort. قال الله عز وجل اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. Où que vous soyez, la mort elle vous touchera, elle vous atteindra. ملك الموت reprendra votre âme. ولو كنتم في بروج مشيده, ولو si l'insan il arrive à fuir très très loin, à se cacher dans un endroit très très loin, ou alors il arrive à atteindre les étoiles, l'ange de la mort, il récupérera son âme. قال رحمه الله رأيت المنايا قسمت بين أنفس ونفسي بعدهن سيأتي نصيبها. Ça c'est كلام العقلاء. Et ça c'est تفكر العقلاء. Les doués de raison, les gens sensés, ils réfléchissent comme le poète il vient de dire. رأيت المنايا قسمت بين أنفس. Tu vois la mort autour de toi. Tous les jours, Obama, tu entends واحد que tu connais, أنه يموت. Donc ça, c'est un énorme rappel pour nous. Si eux, ils ont goûté, est-ce que toi, tu es à l'abri là? قال ونفسي وعدهن سيأتي نصيبها. Et un jour viendra mon tour. Et un jour viendra ton tour, أخي الكريم. قال رحمه الله وأنشدني الكريزي إِنَّ مَنْ عَاشَ آمِنًا فِي سُرُورٍ قَاعِدًا مِنْ سُرُورِهِ فِي غُرُورِ مَا لِمَنْ يَذْكُرُ الْمَقَابِرَ وَالْمَوْتَ إِذَا كَانَ عَاقِلًا مِنْ سُرُورِهِ. نعم من سروري, نعم هذا لا شك فيه أن هذا الموت سيأتي ولا بد. Et cet être humain qui prenait du plaisir dans ce bas monde, qui était heureux, s'il ne s'est pas préparé, s'il n'a pas préparé ce moment, s'il n'a pas préparé ce nouveau voyage qui va commencer après la mort, toutes ces étapes de la tombe jusqu'à sa dernière demeure, ben il regrettera. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Le hadith est dans le Sahihain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé Anna, si on saurait ce qu'il sait, si on aurait vu ce qu'il a vu alayhi salatu wa sallam, fala dhahiktum qalila, on rirait très très peu, wala bakaytum kathira, et on pleurerait beaucoup. Al-Hafidh fil Fath rahimahullah ta'ala qala wal murad bil ilm ma yata'allaq bi 'azamatillah wa intiqamihi mimman ya'sihi wal ahwal allati taqa' 'inda an-naz' wal maut wa fil qabr wa yawm al-qiyam. أي النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إلى في الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم quand الله سبحانه وتعالى il l'a élevé au ciel, il a vu beaucoup de choses. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم parmi les choses qu'il a vu, des gens se faire châtier. النبي صلى الله عليه وسلم il a vu l'enfer. عليه الصلاة والسلام فلهذا قال si vous sauriez, si vous auriez connaissance de ce que je sais, de ce que je connais, vous ririez beaucoup moins et vous pleuriez beaucoup. عليه الصلاة والسلام. قال أبو حاتم رحمه الله. Il a cité des autres vers de poésie. قول الشاعر لا تأمن الموت في طرف وفي نفس وإن تمنعت بالحجاب والحرس إلى أن قال ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. هنا ولله الحمد كونيسونس النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé الله عز وجل dans le Coran il nous a cité beaucoup de choses concernant la mort après la mort le paradis l'enfer etc. Et là chacun al mu'min quand il lit ces choses quand il prend connaissance de ces récits authentiques ça fait monter sa foi et ça le pousse à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا المؤمن doit faire des efforts وإلا مجرد التمني comme certains ils font. Ça c'est pas minat tawfiq. Il ne faut pas les causes pour être sauvé. ثم يقولون mais Allah il est ghafour et il est rahim. Allah il pardonne. Allah il est kerim. Il n'y a aucun doute de هذا لكن Allah subhanahu wa ta'ala كذلك il est shadid al-iqab. C'est l'aziz, c'est l'jabbar jalla wa ala. فلهذا قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. Hey, tu espères être sauvé, tu ne fais pas les causes. Inna as-safinata la tajri ala al-yabasi. Un bateau, il ne peut pas naviguer sur une terre sèche. Abidan. Pour qu'un bateau il navigue, il faut de l'eau. Hakada anta, si tu veux être sauvé, il faut des causes. Allah subhanahu wa ta'ala tawwabun rahim. Et il a ordonné l'abd de faire certaines choses. Il a interdit le serviteur d'approcher d'autres choses. Enfin, celui qui fait les causes, il sera sauvé. Celui qui ne fait pas les causes, il se fait du mal qu'à lui-même. قال رحمه الله وأنشدني البسامي قد يصح المريض بعد إياس كان منه ويهلك العواد. تأمل هذا. Ça c'est un autre rappel très très important de هذا الشاعر ابن حبان la cité sévère de poésie. لماذا؟ Ne crois pas que la mort elle est loin. فلا تغتر بصحتك وبمالك وبشبابك. Ne pense pas que parce que tu es jeune, tu es en bonne santé, tu as de l'argent, etc. La mort, elle est loin de toi. Ça, c'est min al-ghurur. Et ça, c'est min al-ghafla. Celui qui pense comme ça, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a ce genre de pensée, il ne connaît pas son dîn. Il ne connaît pas le Coran, al-Karim. Qad yassihul marid ba'da iyasin. Ammal. Le malade, il peut être guéri alors qu'il a atteint une situation critique. Probama, ce malade, il était désespéré. Il ne pensait pas qu'un jour, il allait être guéri. Peut-être que les médecins, les docteurs, ils lui ont dit « Là, c'est fini, tu restes quelques jours à vivre. » Il a « Khalas, c'était vraiment la fin. » Allah subhanahu wa ta'ala, il le guérit. « Qala, qad yassihu al-marid ba'da iyasin, kana minhu wa yahliku al-uwadu. » Al-uwadu, c'est ceux qui rendaient visite à ce malade. Peut-être que ceux qui le rendaient visite, c'était des jeunes en pleine santé, en bonne santé, etc. Robama, un, deux, il meurt. Il sort de l'hôpital, il fait un accident, il meurt. Ce malade qui était vraiment au bout, Allah il le guérit. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on doit se préparer. La mort, elle ne touche pas que les vieux. La mort, elle ne touche pas que les pauvres. La mort, elle ne touche pas que les malades. Donc, on est tous concernés. وَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que personne ne connaît le lieu et le moment où qu'il va mourir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتُ من حكمة الله عز وجل أنه ننيغ ce moment pour qu'on fasse des efforts. Pour qu'on soit دائما في حضر. Et c'est ça le but de ce chapitre. Aqil Karim, fais toujours attention. كأنك tu es toujours surveillé. كأنك tu es toujours suivi. Fais attention. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى il te voit, il t'entend. ولا شك أن des anges ils t'accompagnent où que tu sois et ils notent tout ce que tu fais. Enfin, en tant qu'être humain, on est à la خطر. تذكرون la phrase de Ibn Hibban rahmatullah alayhi dans le dernier dars de dimanche. أن أخطر شيء على الإنسان c'est حياته, c'est sa vie. Tant que tu es en vie, tu es en danger. لماذا لأن tout peut basculer très très vite. فكون على حذر. Préserve cette ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette vie. Préserve cette ni'ma qu'Allah t'a donné ton din et prépare-toi à ce moment. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا ينسى ذكر شيء هو مترقب له. العاقل il n'oublie pas une chose. Forcément elle va arriver. Cette chose, Emma, elle va le conduire au bonheur éternel. Emma, elle va le conduire à shaqa ou le châtiment éternel. العاقل il n'oublie pas. En tant qu'être humain, si tu as un rendez-vous important, Et cette importance, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire l'au-delà. Ça peut être passer le permis, ça peut être un rendez-vous important pour de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être une visite de tes parents. Moi, il y a quelque chose d'important, un voyage. Tu dois aller au Hajj, tu dois aller à l'Umra, tu vas pas oublier. Tant que l'être humain, il a la raison, il est normal, il n'oublie pas ces choses-là. L'aqil, il n'oublie pas ce rendez-vous important. Lakin, ce rendez-vous, tu n'as pas de date, tu n'as pas de lieu. Ce rendez-vous, à tout moment, il peut arriver. Enfin, tu dois être prêt. La mort. Qala rahimahullah. ومنتظر وقوعه من قدم إلى قدم ومن لحظة إلى شزرة فكم من مكرم في أهله معظم معظم في قومه مبجل في جيرته لا يخاف الضيق في المعيشة ولا الضنك في المصيبة إذا ورد عليه مذلل الملوك وقاهر الجبابرة وقاسم الطواف ألقي صريعا بين أحبته وجيرانه مفارقا أهل بيته وإخوانه. صحيح كم من الناس ils étaient avec leurs enfants, avec leurs épouses, avec leurs familles. Ils avaient un travail en bonne santé. Ils rentrent, ils sortent, ils voyagent, ils se déplacent. Et du jour au lendemain, tu apprends la nouvelle, Anna, il est mort. Il a fait un accident. Il a fait une attaque cardiaque. Il a été assassiné. Il a dormi, il n'avait rien du tout, il ne s'est jamais réveillé. Ça, c'est pour nous montrer un mot à la rive hakada fajah. Sans prévenir. Et ces gens qui sont autour de toi, ces enfants, cette famille, kadalik tes biens, ton argent, kadalik tes amis, kadalik ta tribu, ta famille, etc. Ils ne pourront rien. Obama, ils sont tous autour de toi. Quand l'ange de la mort, il vient, et personne ne peut rien faire. Personne ne peut repousser. Personne ne peut t'assister. Personne ne peut répondre aux questions quand tu seras placé dans ta tombe à ta place. Ça nous montre, on doit se préparer. On doit prendre du temps pour nous préparer. قال فكم من أمة قد أبادها الموت وبلدة قد عطلها وذات بعل قد أرملها وذي أب أيتم وذي إخوة أفرته. Combien de personnes elles sont devenues orphelines du jour au lendemain, leurs parents ils sont décédés. Combien de frères il avait un autre frère, une autre sœur et il s'est retrouvé tout seul, seul sans frère. Combien de parents, ils avaient des enfants, ils ont perdu leurs enfants et ils se sont retrouvés seuls. Combien de femmes, elle a perdu son mari et elle est devenue veuve. On doit se préparer. Celui qui est accroché à son dîn, je sais que c'est triste de perdre un de ses proches. Le prophète, il a perdu son fils Ibrahim, il a pleuré. Celui qui est accroché à son dîn, c'est une séparation temporaire. Si son proche, il est accroché à son din kadhalik. Et le din kadhalik, la religion, la foi, ça aide beaucoup dans ces moments. Amma al-ba'd, ils ne sont pas prêts et un de leurs proches, il décède brusquement et ça leur fait beaucoup de mal. Ça leur fait beaucoup de mal et s'ils ne se préparent pas, eux aussi mourront et se feront beaucoup de mal. La seule solution, c'est quoi? Tu n'as pas d'autre solution. Cette épreuve, la mort, tu n'as pas d'autre solution que de te préparer en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en te repentant, en suivant le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. C'est la seule solution. Tu ne peux pas te sauver, tu ne peux pas la repousser, tu ne peux pas l'acheter. Il n'y a pas de solution, tu as que atta'a, l'obéissance, at-tawhid, te soumettre à Allah, rien d'autre. Qala فالعاقل لا يغتر بحالة نهايتها تؤدي إلى ما قلنا. Cette fin qu'il a cité, Huna ibn Hibban, Anna, tu te retrouveras seul, tes parents, ta famille, tes proches, tes biens ne seront d'aucune utilité. Enfin, est-ce que, après cela, tu compteras, tu t'appuieras sur cette dunya, sur ce bas monde? Abadan, c'est quelque chose qui ne dure pas. قال رحمه الله ولا يركن إلى عيش مغبته ما ذكرنا ولا ينسى حالة لا محالة هو مواقعها ويوما لا شك يأتي. Donc العاقل, bien sûr qu'il doit se préparer, bien sûr il ne doit pas se reposer sur ce bas monde. Pourquoi? لأنه un jour il partira, un jour il délaissera ce bas monde, un jour il basculera dans l'autre demeure, le barzakh, dans sa tombe. Et dans ce cas-là, il y a que ses œuvres qui seront utiles. bien sûr, بعد رحمة الله عز وجل. قال إذ الموت طالب حثيث لا يعجزه المقيم ولا ينقلب منه الهارب. الموت طالب حثيث. La mort, elle recherche avec envie, avec motivation, avec force, ce qu'elle doit toucher tous les jours. Tous les jours, celui qui doit mourir, il mourra. La mort, elle le touchera. L'ange de la mort, il reprendra son âme. La yu'jizu al-muqim, que tu sois résident ou voyageur. Wa la yanqalib minhu al-harib. Même si on qadr que quelqu'un veut s'échapper, aller dans un endroit pour pas mourir. Fa taqaddamat ma'ana al-aya. Wa law kuntum fi burujin mushayyida. Même s'il arrive à fuir dans une étoile dans le ciel, l'ange de la mort, il reprendra son âme. Qala wa anshadani al-Quraizi رحمه الله أموالنا لذوي الميراث لذوي أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. Ça c'est pour montrer, وتقدم معنا ce genre de vers de poésie pour montrer أن cette dunya ne vaut pas grand chose. هذه الأموال que tu rassembles, s'ils ne sont pas utilisés في طاعة الله, tu les rassembles pour tes héritiers, pour ceux qui ont une part d'héritage, tes enfants, etc. وَدُورُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيهَا. Cette maison que tu construis, un jour, elle disparaîtra ou la bout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'argent, pas le droit d'avoir de maison. Là, لكن, c'est qu'un moyen. Ne t'accroche pas à ces choses. Il y en a ces choses, elles ne restent pas. Là, même si tu as une maison, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, prépare la demeure éternelle. Cette maison qui a besoin d'une préparation, d'effort, d'argent, de temps, ça reste une demeure de dunya, elle disparaîtra. Et un takadalik, tu disparaîtras. Donc, ça reste une maison de dunya, donne-lui pas plus. Amma celui, et ça arrive, ta'ammalou, anna al-ba'd, toute leur vie, tous leurs efforts, tout leur temps, il est pour cette maison dans ce bas monde. Ils veulent une maison, leur maison. Tu trouves le bas, c'est dans le haram. Ils font un crédit, mathalan. L'usure. Ou autre, c'est du haram. Ba'duhum, c'est dans le halal. Lakin, elle les écarte de leur dîn. Dans tous les cas, ahoula, ils sont perdants. Encore plus, bien sûr, celui qui fait dans le haram. Et tu trouves le bas, toute leur vie, probablement un crédit de 20-30 ans. Ils construisent leur maison eux-mêmes, ça leur prend énormément de temps. Tu trouves à la fin, quand elle est finie, cette maison, il meurt. Et il n'a rien préparé pour l'au-delà. La tawhid, la iman, la salat, wa la shay. Au lieu de faire salat à l'heure, il était occupé par cette maison. Au lieu d'aller faire le hajj, quand il avait les moyens et l'argent, il était occupé par cette maison. Au lieu de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et sortir zakat, occupé par cette maison. Ils ont délaissé leur din à cause ou pour une maison. Et haoula, ils se font énormément de mal. Amma anta akhil karim, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert les portes et tu as une maison, enfin, c'est une ni'ma comme on a vu dans le hadith d'hier. Minan ni'm al-bayt al-wasi'. Alhamdulillah, si c'est dans le halal, c'est une ni'ma. Lakin, ça reste une demeure de ce bas monde. Tes efforts, la plupart de tes efforts, mêlés pour préparer la demeure de l'au-delà. أي الجنة للبرادي وكذلك تطمب. قال رحمه الله أموالنا on revient au vers de poésie. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. On sait qu'un jour on sera séparé de ce bas monde. Lakin, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, il fera des efforts pour l'au-delà. Celui qu'Allah il ne guide pas, walaw yassi, tu lui demandes est-ce que tu vas mourir, il te dit na'am, je vais mourir, mais hada il ne prépare pas l'au-delà. Wa an-nafsu taklifu bid-dunya wa qad 'alimat an as-salamata fiha tarku ma fiha. As-salama, tu veux être fi salama et tu veux réussir, ne pas être châtié, tu veux faire partie de ceux qu'Allah il a préservé, fais attention à ce bas monde. As-salama, c'est de délaisser ce bas monde. Et les choses non profitables, bien sûr. Amma, les choses profitables et le halal, hada, bien sûr, c'est permis. Qala falal iqamatu tunji nafsa min talafin, walal firaru min al-ahdathi yunjiha. وكل نفس لها زور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها. شك ونغى هذا الزور أي بمعنى هنا quelqu'un qui nous rendra visite. زائر أي l'ange de la mort. Chacun de nous. كل نفس ذائقة الموت. Et puis le hadith, quand l'être humain il va mourir, l'ange de la mort il s'approche et il lui reprend son âme, etc. Donc on aura tous cette visite. Zairun, l'ange de la mort qui nous rendra visite. Personnellement, il prendra ton âme. Al-Muwaffaq, celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité. فيستعد لاستقبال هذا الزائر ملك الموت. Si demain on te dit que tu vas recevoir des invités, tu vas te préparer. Voilà Bouddh. Les invités, ils ont besoin de beaucoup de choses. Tu dois préparer la maison, tu dois préparer à manger, etc. Cette préparation, si tu es sincère, tu en profiteras يوم القيامة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تقدم معنا. أعظم من ذلك, prépare-toi à recevoir هذا الزائر. Cet invité, Malak al-Maut, qui reprendra ton âme, prépare-toi. Tu n'as pas besoin de te préparer, lui préparer à manger ou à l'accueillir là. Ça sera très très rapide. Tu peux te préparer que هذا الملك, quand il reprenne ton âme, tu sois à la ahsan hal. Ay, at-tawhid wa as-sunnah. Et s'écarter du shirk et de la bid'ah. Faire des efforts dans le bon comportement. C'est le sujet de notre livre. C'est comme ça que tu prépareras l'accueil de هذا الزائر. ونسأل الله عز وجل التوفيق. قال وأنشدني الأبرش وللنفوس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. صحيح أن الإنسان لا أحيانا دي des envies, il veut faire, il a des projets, il a akhiré. Et la mort quand elle arrive, tout ça, ça s'arrête. Robamanta, tu veux une chose et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété autre chose. Fallait, tu dois te préparer, akhil karim, on doit tous se préparer. Qala rahimahullah, inna Allah jalla wa ala khalaqa Adam wa dhurriyatahu min al-ard fa'amshahum ala zahriha فأكلوا من ثمارها وشربوا من أنهارها ثم لا محالة تنزيل المنية بهم. الله سبحانه وتعالى il a créé tous les êtres humains et il leur a facilité le fait de se déplacer dans cette terre, de profiter de toutes ces ni'am, nourriture, boisson, etc. ثم قال لا محالة تنزيل المنية بهم. Et un jour viendra où le bout que cet être humain il mourra. Et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadr une durée de vie. Qala wa tughnihim 'ani as-sa'i wal-harakat ma'a ta'attul al-juthath wal-alat thumma tu'iduhum ila al-ard allati minha khalaqahum. Cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de cette terre et كذلك on retournera dans cette terre comme qala jalla wa 'ala minha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Donc cet être humain il retournera dans cette terre حتى تأكل لحومهم كما أكلوا أثمارها. Comme toi tu as profité de cette terre et tu as mangé de beaucoup de choses qui sortent de cette terre, fruits, légumes, etc. هكذا viendra un jour أن الأرض تأكل لحمك. Viendra un jour c'est la terre qui mangera ta chair quand tu seras dans ta tombe. قال كما أكلوا أثمارها وتشرب دماءهم كما شربوا من أنهارها. Comme nous l'un, on profite de l'eau qui est sur terre. فهكذا un jour la terre elle profitera de ton sang. قال والقبر أو قبل هذا نعم وتقطع أوصالهم كما مشوا على ظهرها والقبر أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا. Cette étape après ce bas monde, la dernière étape, la mort, ثم la première étape de l'au-delà, la tombe. قال فطوبى لمن مهد في دنياه لقبره وقدم منها لآخرته. طوبى له. C'est celui-là qui a réussi. C'est celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé. C'est celui-là qui peut espérer avoir réussi. Et on demande tous à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. قال ما هذا في دنيا لقبره. Il s'est servi, il a utilisé ce bas monde pour préparer son qabr. Comme les gens, Bardoum, ils pensent qu'à ça. Jour et nuit, ils travaillent que pour la voiture, la maison. Et Bardoum, Iyadun Billah, ils ont fait des sacrifices totaux sur leur dîn. La iman, ou la salah, ou la ta'a, ou la shig. Et ils vivent, Iyadun Billah, comme des animaux. Ils pensent qu'à Tounia. Anta fait des efforts pour préparer l'akhirah. Cette dunya, utilise-la pour préparer ta tombe, cette demeure. Cette dunya, utilise-la pour préparer ta situation quand tout le monde sera debout. Yawm al-qiyamah, ura, buhman, ghurlan. Tout le monde sera nu, debout, en train d'attendre les comptes. Anta, prépare ce moment. Prépare ce moment. La'allah, tu feras partie de ceux qui seront sous l'ombre que Allah subhanahu wa ta'ala y créera yawm al-qiyamah. Prépare ce moment où كثيرون من الناس ils seront repoussés من الحوض. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il demandera al-malaika, ils lui diront fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak badalu wa ghayyaru. Et ceux qui ont changé la religion du prophète alayhi sallatu wasallam, fais des efforts pour suivre sunnah, fais des efforts pour pas faire partie de ceux qui inventent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الناس يوم القيامة لا sueur elle atteindra leurs chevilles, d'autres leurs genoux, d'autres leurs épaules, d'autres ils seront noyés dans leur sueur. Fais des efforts pour ne pas faire partie de Ha'oula. C'est ça qu'on doit préparer. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Walillahi alhamd, on a détaillé ces étapes dans la série de cours, les étapes de l'au-delà. Ça doit être ça notre objectif principal. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Sans négliger la dunya. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه المأثور parmi les dua que النبي صلى الله عليه وسلم disait اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. تأمل قوله أكبر همنا. Ça veut pas dire que tu ne dois pas te soucier de dunya, là. لكن si ça devient ton هم الأكبر والأعظم, si ça devient ta préoccupation la plus importante, ça c'est طريق الهلاك. Ça c'est la voie de la perdition. والخسران. Donc, Dunya, on la laisse à sa place. Walilalhamd, sans la négliger. Lakin, les efforts et la motivation et notre préoccupation principale, ça doit être hada. Et préparer notre tombe, notre demeure pour l'au-delà. Qala wa akhiru manzilin min manazili dunya fa touba liman mahada fi dunya li qabri wa qaddama minha li akhirati. فكم عفرت الأرض من عزيز وأفقدت العين من أنيس. صحيح. Combien de gens tu as vu? Nous on est dans une ni'ma azima. Pourquoi? Parce qu'on lit ce kalam, on lit ce rappel de cet imam. Walillahi alhamd, on a argumenté avec des versets du Coran, des hadiths. كذلك, on a lu des vers de poésie très très profitables. Pour nous c'est très très profitable. Pourquoi? Parce qu'on est encore en vie. On peut commencer tout de suite. Commencez tout de suite, faire tawba. Kadhalik, à partir d'aujourd'hui, on essaie d'être encore plus sérieux dans la salat, dans l'adhkar, dans l'ilm, dans la mise en application de l'ilm, corriger notre comportement, en profiter ces jours, faire siyam, ashura, tasoua. Tout ça, alhamdoulilah, c'est un énorme bien pour nous. فَكَمْ مِنَ النَّاسِ كَمَا قَالَ هُنَا عَفَّرَتَ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيزٍ. Combien de gens ils sont sous terre? Ils ont tout perdu. Combien de gens ils sont morts, ils n'ont rien préparé. La shahada ou la sajda. Bard al-Naz, ils sont morts, ils n'ont jamais prononcé la shahada et ils n'ont jamais accompli un sujoud pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmadillah, même si tu as des manquements, on a tous des manquements, même si tu fais des péchés, on fait tous des péchés, on est encore vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yatoub ala man tab. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir de celui qui se repentit. Même si on a des défauts dans les comportements qu'on a vus ensemble dans ce livre, même si on a des faiblesses, on peut se corriger. L'essentiel, c'est que ton hum et ta préoccupation, comme a dit Ibn Hibban, rahimahullah, ça soit l'au-delà. C'est la première étape, Hadi. C'est la première étape. C'est une histoire de priorité. Celui dont la priorité c'est l'akhira, il y arrivera bi-idnillah azza wa jalla. Celui dont la priorité c'est dunya, il pensera qu'à dunya. قال رحمه الله قد ذكرنا اليسير من الكثير من الآثار. Ça c'est الخاتمة. On a fini le chapitre. ثم à la fin رحمة الله عليه, il a cité un kalam jamil qu'on lit الآن en guise de خاتمة. C'est comme une conclusion du livre. قال قد ذكرنا اليسير من الكثير من الآثار والقليل من الجسيم من الأخبار في كتابنا هذا. Il a cité des athar, yani sahaba, قبل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. Et bien sûr, il a cité que en général un hadith par chapitre. Donc ça fait une cinquantaine de hadiths. ثم il a cité des athar عن sahaba dans chaque bab, quelques dizaines de athar. Enfin, là chacun c'est peu par rapport à tous les hadiths et tous les athar. قال بما نرجو أن القاصد إلى السلوك سبيل ذوي الحجة والسالك مقصدي أو مقصد سبيل أولي النهى يكون له فيها غنية إذا تدبرها واستعملها. Ça c'est une faïda importante. أن ce qu'il a cité مثلا dans concernant les bons comportements, c'est suffisant. Celui qui veut mettre en application, c'est suffisant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Dès qu'il commence par appliquer ce qu'il a cité, rahmatullah alayhi, tu seras à la khair azim. Pourquoi ? Parce qu'il a cité les bases, les fondements du bon comportement. Et bien sûr, il y a certains comportements qu'il n'a pas cités, certains mauvais comportements à éviter qu'il n'a pas cités. Là, qu'il commence par ses bases. Et Huna, c'est un point très très important pour Al-Mu'min. Ou bil akhas pour Talib Al-Ilm. Anna kathratul ilm, si ce n'est pas mis en application, il n'y a aucune faïda. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans des détails et kadhalik mémoriser beaucoup de choses et acheter énormément de livres et najma' al-ilm comme ça si le but c'est pas de mettre en application. Il n'y a aucune faïda. Bel, c'est une hujja. Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Falihadha qala yakun lahu fihi ghunya. Ça t'estafit jiddan si tu mets en application mithla hadha al-mukhtasar. C'est pour ça que al-muwaffaq commence par sirar al-ilm. Sirar al-masail. Al-kutub al-mukhtasara. Moi, il met en application et petit à petit, on progresse. À ma vouloir rassembler, je connais des hadiths. Comment on ne les met pas en application, fait mal faïda. J'ai étudié ce livre, je l'ai fini. Comment on ne voit aucun changement dans notre comportement, enfin, c'est quoi al faïda? C'est pour ça que ce livre, qu'on a étudié ensemble, wa lillahi alhamd, ba'd ikhwanina, certains frères, ils ont assisté min al-bidaya jusqu'à la fin. Ils ont suivi, ils ont pris des notes, walillahi alhamd. Haoula, hadha al-kitab, il va changer leur mode de vie, leur façon d'agir, leur comportement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Et c'est ça le but de l'ilm. On a étudié un livre sur le comportement. Notre comportement avant le livre, nos comportements avant l'étude de ce livre et après, ça ne doit pas être la même chose. Et on le répète. On a étudié certaines choses. On aura des manquements. Lakin, si on a un manquement, on se reprend. On se corrige. Si on a fauté, on a tout. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa in kunna tanakkabna turuq. Al-masanid wa takhrij al-hikayat. Wa nushayyidat al-ash'ar. إلا ما لم نجد بدا من إخراجها كالإيماء إلى الشيء والإشارة إلى القصد. نعم il a cité certaines مسائل, il a cité certains points, certains comportements. وإلا لا شك أن il y a beaucoup plus que ce qu'il a cité. Ce livre, ça reste un مختصر عند الأئمة. Ce livre pour nous c'est un énorme مجلد. Et نحن والله الحمد on l'a résumé. وإلا ولو le lire entier عند الأئمة عند العلماء, ça reste un مختصر, ça reste un livre très très résumé. À notre époque, tellement que الهمم ضعفت والجهود كذلك, pour nous ce genre de مجلد c'est devenu un très gros livre. روضة العقلاء عند الأئمة c'est un مختصر. وإلا فبعض الأئمة ألفوا des أجزاء مجلدات. قال: جعلنا الله ممن دعته تباشر التوفيق إلى القيام بحقائق التحقيق انتظارا للتمكن من رحمته وطلب الوصول إلى محل أهل ولايته. ثم دعا رحمة الله عليه هنا أن الله سبحانه وتعالى إنه فاسيليت. لماذا؟ لأن الدراسة سي كيلكو شوز، avoir étudié سي اون شوز، comprendre سي اون اوتر شوز، اي لا غيدي لا ميز ان ابليكاسيون سي انكور اوتر شوز. فأنت أخي الكريم عليك بالأسباب، في لي كوز، لي سو جونغ دو ليفر، étudie سو جونغ دو ليفر، في دي زيفور بور كومبخوندر، اي كذلك في دي زيفور بور ميتر ان ابليكاسيون. هي الله سبحانه وتعالى يجد كي يلفو. قال: إنه منتهى الغاية، إنه منتهى الغاية عند رجاء المؤمنين والمان على أوليائه بمنازل المقربين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. On peut ajouter avant de finir par rapport à cette khatima, لما كان التحلي بهذه الأخلاق الكريمة توفيق وفضل من الله كما أبين المؤلف رحمه الله. Vu que le fait de mettre en application les bons comportements qu'il a cités en se basant sur le Coran et la Sunna, c'est من توفيق الله. الله يجد كي il veut. فأيها المؤمن اطلب من الله، demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide à améliorer ton comportement. On peut citer des hadiths huna, des ad'iyya, des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait par rapport au comportement. Et la'alla nos frères ils les notent. Oh oui, ils écoutent At-Tajjil, ils écoutent l'audio plusieurs fois pour pouvoir apprendre ce genre de dua, pour pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec un dua que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a fait. فمن هذه الأدعية حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان dans son صحيح والإمام الألباني dans صحيح الجامع. اللهم حسنت خلقي، أي يا الله comme tu as parfait ma création en tant qu'être humain، فحسن خلقي، améliore mon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui t'a créé de cette façon. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala comme il t'a créé de cette façon qu'il améliore كذلك ton comportement. أما الخلقة، la façon dont Allah t'a créé، Allah il te demandera pas de compte. Tu es de telle couleur, tu es de telle taille, tu fais tel poids. Tu n'auras pas de compte à rendre sur cela. Lakin tu auras des comptes à rendre sur ton comportement. Fa demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yuhassin khuluqak, qu'il améliore et qu'il parfaite ton comportement. Wa an Ali ibn Abi Talib, deuxième hadith, radiyallahu anhu. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال ça c'est من دعاء الاستفتاح ça c'est parmi les دعاء que النبي صلى الله عليه وسلم il faisait après التكبير durant la صلاة avant de commencer la récitation. Le hadith il est assez long, on lit الشاهد. قال صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى أن قال: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت رواه مسلم. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide. واهدني لأحسن الأخلاق. Tu demandes à Allah qu'il te guide pour pouvoir mettre en application les meilleurs comportements, les plus profitables, dont les certains comportements que Ibn Hibban il a cité dans ce livre. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. Personne ne pourra te guider pour mettre en application sauf Allah. Demande-lui. قال واصرف عني سيئها. كذلك demande Allah سبحانه وتعالى qu'il t'écarte du mauvais comportement, des mauvais comportements, du mensonge, de l'espionnage, de la médisance, de l'injustice, وهكذا لي كومبورتمون كنا ايتوديو انصامبل وغيرها. قال لا يصرف عني سيئها الا انت الحديث رواه مسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي. Pour conclure, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous ou qu'on fasse partie de ce que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité dans ce hadith. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle « Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni » et parmi ceux que j'aime le plus et ceux qui seront le plus proches de moi « Majlisan yawm al-qiyamah » le jour de la résurrection « Qala ahasinukum ou ahasinakum akhlaqa » ceux qui ont les meilleurs comportements. C'est ceux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aime le plus et ceux qui seront le plus proches de lui yawm al-qiyam. Al-hadith sahahahu al-shaykh al-albani rahimahullah dans sahih al-tirmidhi. Et dans l'autre hadith qala alayhi salatu salam inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Les meilleurs d'entre vous c'est ceux qui ont les meilleurs comportements. Al-hadith il est fi al-sahihain. Et dans l'autre hadith la chose qui pèsera le plus, une des choses qui pèsera le plus يوم القيامة, husnul khuluq. Faya ikhwan, hada al mawdu', ce sujet sur les bons comportements, c'est un sujet essentiel, très très important dans notre din. Innama bu'ithu li utammim makarim al akhlaq, hakada qala ali sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour parfaire les bons comportements, pour enseigner les bons comportements, pour les propager. Enfin, en tant que musulman, en tant que mu'min, tu dois faire des efforts. En étudiant ce genre de livre ou d'autres, on a choisi ce livre, l'Imam al-Yannaou, c'est une référence et il est résumé. Et vous avez vu, c'est un kitab avec énormément de fawa'id, walillahi alhamd. On a commencé il y a quelques mois, on est arrivé au 50e cours. Et ma'ahala en général, ou plutôt dans certains domaines, certaines matières, au bout du 50e cours, ça peut être assez difficile pour l'enseignant et pour les étudiants. Si tu prends certains ulum ka an-nahw wa al-mustalah wa al-usul, khasatan min ulum al-ala, quand ça dure, ça peut être très très difficile pour terminer. Amma mithla hadha al-kitab, on arrive au 50e cours, wa lillahi alhamd, on aurait pu continuer, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Fa al-muraja'a ya ikhwan, ce genre de livre, c'est pas un livre qu'on étudie une fois seulement le faire mais khalas, là tu en auras besoin tout le temps. Tu en auras besoin tout le temps. Va de temps en temps, feuillette ce livre et relis certains passages. Khasatan, quand tu es touché par une chose et tu as besoin d'une faïda bien précise, walillahi alhamd, tu connais les chapitres et tu peux t'aider du sommaire pour revenir à tel sujet. Kadhalik, on conseille à nos frères de résumer les fawa'id. Résumer 50 chapitres. Si tu peux te faire une feuille pour chaque chapitre, tu résumes avec un hadith du prophète alayhi salatu salam qu'Ibn Hibban il a cité ou qu'on a ajouté. Kadhalik, on a essayé pour chaque chapitre de rajouter un verset du Coran al-Karim, enfin ajouter un verset et résumer. Il m'a cité un ou deux vers de poésie, une faïda tayyiba de Abu Hatim rahmatullah alayhi. Fa tastafid jiddan, c'est ça l'ilm. Kadhalik, si tu le résumes ou tu te bases sur le résumé qu'on a fait ensemble, profites-en pour propager hadha al-khayr aux autres, en commençant par tes proches. Le mari, il enseigne à sa femme si elle n'a pas assisté. Walaw bi-ikhtisar. Chaque chapitre, un quart d'heure. Fihi khayr wa ni'ma. Kadhalik, si c'est la femme qui a assisté, elle propage hadha al-fawa'id à son mari. Kadhalik, les enfants, ils propagent hadha al-khayr à leurs parents. On a tous besoin. On a tous besoin de ces comportements. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. Aujourd'hui, ولله الحمد, le 9 محرم 1443, on a fini هذا الكتاب et on avait commencé le premier Ramadan et on a fini aujourd'hui, ولله الحمد, donc 4 mois à peu près. فالحمد لله. أما pour les dorus suivants, dans quelques jours, on commencera l'étude de Al-Fusul في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم de l'imam Abu al-Fida ibn Kathir rahimahullah al-Hafid. C'est une référence dans le domaine. Enfin, inshallah, on commencera par ce livre et كذلك on recommencera notre rythme avec un deuxième dars, une risala qu'on choisira. Et bidnillah, on propagera le programme pour nos frères qui veulent acheter les livres ou suivre avec nous. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته